demoiselle Juliette, son Roméo dans l'Alpha, de Vérone à Romercourt, joli syndrome de l'amour. Shakespeare s'amuse de sa muse, l'héroïne trouve qu'il abuse, elle monte vite dans les tours, le grand écrivain aime jouer des tours. Never mind, jamais plus, encore perdu, never mind. Thank you. vie. Du bleu du ciel et des faces face-sols, des autres étoiles aussi vues le dos. C'est les osales, coco, la chocolat, cookies, macadamia. Et chaque soir des hommes qui jouent aux dames. se craquent sous l'idole. Se poudrer le faciès, enrobé de soie. Ce qui blesse et qu'on laisse derrière soi. Toi qui me fais bien plus que de l'effet. C'est toi qui m'as fait devenir un peu divine en te donnant ta vie. Je devine que tu vas me ravir toute la vie. Et chaque jour que tu fais, je te fête. Les sapes sous le vent qui soulève ce drap se balance pour toi. Que faisait-il avant? Le marbre sous le vent dans l'air se gravera du nom que tu lis sur mes lèvres, ton nom que tout prononce bien avant qu'il t'annonce. Je croyais t'avoir faite petite fée, toi qui me fais bien plus que de l'effet. Lancera l'effet, toujours il va durer. De moi à tes années, l'éphémère, toujours il va durer. Tu es plus qu'un trésor, un secret à bercer. Et le ciel peut s'attendre à te tendre les bras. J'ai le cœur à pierre fendre et bonheur d'ici-bas. Il n'y a rien à comprendre, l'amour est tort la loi. Je croyais t'avoir fait petite fée, mais c'est toi qui me fais bien plus que les fées. L'on se